Chapitre 3e. Le lendemain, Christopher Newman vint dîner chez son ami qui le présenta à sa femme. Monsieur et Madame Tristram habitaient dans une de ces maisons neuves dont les façades blanches, toutes pareilles, font le plus bel ornement des vastes avenues qui rayonnent autour de l'Arc de Triomphe, un appartement au quatrième étage, d'apparence assez modeste, mais pourvu de tout le confort moderne. « Vous voyez, s'empressa de faire remarquer Tristram, nous sommes éclairés et chauffés au gaz. Quand vous vous sentirez pris du mal du pays, venez nous trouver. Nous vous installerons devant un registre, sous un des becs, et le mal du pays s'évanouira comme par enchantement, » interrompit Madame Tristram. Son mari la regarda. Elle avait souvent un ton qui l'embarrassait étrangement. Il eût été impossible de dire si elle plaisantait ou parlait sérieusement. La vérité est que Madame Tristram avait un penchant naturel à raillerie, que les circonstances développaient chaque jour davantage. Sur bien des points, ses idées différaient de celles de son mari, et quoiqu'elle lui fît de fréquentes concessions, ces concessions étaient loin d'être toujours gracieuses. Elle se consolait de lui céder en se promettant de faire un jour ou l'autre acte de volonté, quelque chose de décisif et peut-être d'un peu violent. Elle eût été fort embarrassée, cependant, de dire au juste ce qu'étaient ses intentions. Mais en attendant, elle préparait les voies et s'arrangeait pour ne pas mettre les torts de son côté. « Je dois me hâter d'ajouter, afin de prévenir toute erreur, que son petit plan d'indépendance ne reposait pas sur l'assistance d'une personne de l'autre sexe. Elle ne faisait pas provision de vertu pour couvrir les frais d'une intrigue. À cela, il y avait plusieurs raisons. » Premièrement, elle était laide. Sans illusion sur ce point, elle connaissait la mesure de ses traits à l'épaisseur d'un cheveu près. Elle s'était avouée sa laideur et avait fini par en prendre son parti. Non sans peine, cependant. Jeune fille, elle avait pleuré des heures entières, tournant le dos à son miroir. Plus tard, elle avait adopté le système, par bravade et par désespoir, de se proclamer la plus affreuse des femmes. On la contredisait, ne fût-ce que par politesse, et c'était toujours là une légère consolation. Depuis son arrivée en Europe, surtout, elle prenait la chose tout à fait philosophiquement. Fine observatrice, elle avait remarqué que l'important pour une femme n'est pas d'être belle, mais de plaire. Et elle rencontrait dans la société parisienne tant de femmes qui plaisaient sans beauté, qu'elle se rassura en se disant qu'elle avait enfin découvert sa mission. Entendant un jour un musicien enthousiaste, à bout de patience avec un élève doué d'une voix superbe mais inintelligent et maladroit, déclarait qu'une belle voix est relativement un obstacle pour bien chanter. L'idée lui vint qu'il en était peut-être ainsi de la beauté, et qu'un visage irréprochable devait le plus souvent être incompatible avec la grâce et l'élégance. Madame Tristram, dès ce moment, n'eut plus qu'un but, se rendre excessivement agréable, et elle se donna à sa tâche avec une résolution touchante. Malheureusement, ce beau zèle ne dura qu'un temps. Elle n'eut pas le courage de persévérer. Le peu d'encouragement qu'elle trouva dans son entourage immédiat lui servit d'excuse à ses propres yeux, mais je crois plutôt que sa nature ne se prêtait pas à l'expérience. Autrement, il est probable qu'elle n'eût pas ainsi abandonné la partie, quand ce n'eût été que pour sa satisfaction personnelle. Elle se borna donc à l'art de la toilette, qu'elle entendait à merveille et se contenta de s'habiller à la perfection. Si elle continuait à vivre à Paris, tout en prétendant le détester, c'est que là seulement on peut s'habiller convenablement. Là seulement on trouve ces mille riens qui sont tout chez une femme élégante. Hors de Paris, d'ailleurs, on a toujours plus ou moins de peine à se procurer des gants à 12 boutons. Quand elle se plaignait de Paris, si on lui demandait où elle aurait aimé à vivre, elle faisait quelques réponses inattendues. Barcelone ou Copenhague, qu'elle connaissait seulement pour y avoir passé 2 ou 3 jours lors de son tour d'Europe. À tout prendre, pour les amis intimes, elle était, malgré ses falbalas poétiques et sa petite figure irrégulière, mais intelligente, une femme véritablement intéressante. Timide par nature, elle serait probablement restée telle si le ciel lui fait naître belle. Sans la moindre vanité, tout à la fois méfiante et importune, très réservée quelquefois avec ses amis et singulièrement expansive avec les étrangers, elle méprisait son mari, le méprisait même beaucoup trop, car rien ne l'avait forcé à le choisir. Mais, éprise dans sa jeunesse, d'un homme supérieur qui l'avait dédaigné, elle s'était laissée aller par dépit à épouser un imbécile, dans l'espoir que son premier amant en conclurait qu'elle ne savait pas apprécier le mérite et qu'il s'était flatté en la supposant amoureuse de lui. Inquiète, mécontente, visionnaire, sans ambition personnelle, mais douée d'une certaine vivacité d'imagination, c'était en fin de compte une femme incomplète, sans grande suite dans les idées, incapable tant pour le bien que pour le mal de résolutions énergiques. Mais on ne pouvait nier cependant qu'elle n'eût en elle une étincelle du feu sacré. Newman avait toujours eu du goût pour la société des femmes, et maintenant qu'il se trouvait hors de son élément naturel et privé de ses occupations habituelles, il chercha auprès de Madame Tristram une compensation. Il éprouva bientôt pour elle une réelle affection, qu'elle lui rendit cordialement, et ils ne tardèrent pas à devenir de vrais amis. La façon d'être de Newman avec les femmes était assez originale. Il n'était pas galant, dans le sens usité du mot, ni compliment, ni fadaise, ni déclaration. Ce n'est pas qu'il fût timide ou même gauche, si tant est que la gaucherie soit le résultat d'une lutte intérieure contre la timidité, mais grave, recueilli, souvent silencieux. Il semblait se complaire dans une espèce d'extase respectueuse. Ce n'était pas chez lui de la sentimentalité. Il n'avait jamais lu de roman. Ses impressions étaient donc purement personnelles. Frappé de la finesse, du tact, du jugement, de la subtilité d'esprit des femmes en général, il trouvait tout simple de rendre hommage à leur supériorité et à leur exquise organisation. Et s'il est vrai qu'il faut que tout homme ici-bas ait une religion, ou du moins un idéal quelconque, celui de Newman devait être de se soumettre aveuglément, quelques jours, à l'influence souveraine d'une resplendissante beauté. Il passa plus d'une après-midi à écouter les avis de Madame Tristram, avis que, du reste, il ne demandait pas et n'aurait même pas songé à demander, tant il se doutait peu d'être environné de pièges et se souciait peu, par conséquent, des moyens à prendre pour les éviter. Ce monde parisien, si complexe, lui semblait une affaire des plus simples, un étonnant et prodigieux spectacle, mais qui n'enflammait pas plus son imagination qu'il n'irritait sa curiosité. Newman, les mains dans ses poches, regardait tout avec un air de bonne humeur, désirant ne rien perdre d'important, observant de près les choses sans songer un instant à les approfondir. Les avis de Madame Tristram faisaient partie du spectacle et peut-être n'était-ce pas la moins intéressante. Il aimait à l'entendre parler de lui, trouvant qu'elle devinait souvent juste. Il admirait son esprit, mais sans jamais suivre ses conseils ou même se les rappeler quand il était loin d'elle. Quant à Madame Tristram, elle le monopolisait. C'était, sans contredit, le type le plus curieux qu'elle eût rencontré depuis bien longtemps, et elle désirait en faire quelque chose, quoiqu'elle eût été fort embarrassée de dire quoi. Elle n'avait pourtant que l'embarras du choix. Il y avait en lui tant d'étoffe, il était si riche, si robuste, si bon enfant, si bien disposé. L'imagination de Madame Tristram était sans cesse en alerte au sujet de Newman. « Vous sentez horriblement l'Ouest, » lui disait-elle quelquefois, mais elle prononçait le mot horriblement de manière à lui donner un tout autre sens. Elle était folle de lui. Elle l'emmena partout avec elle, le présenta à 50 personnes. Elle paraissait ravie de sa conquête. Newman acceptait toutes les invitations, distribuait indistinctement des poignées de main et n'en était ni plus agité ni plus fier. Tom Tristram, lui, n'était pas de si facile humeur. Se plaignant sans cesse que sa femme accapara son ami, dont il ne pouvait jamais jouir, ne fût-ce que pendant 5 minutes, il déclarait qu'il ne l'aurait certainement pas amené à avenue d'Iéna s'il avait prévu comment tourneraient les choses. Leur amitié à tous deux n'avait jamais été, même autrefois, très intime, mais Newman, qui se rappelait son ancienne opinion sur Tristram, rendait à sa femme la justice de convenir qu'il n'était guère possible de rencontrer un être plus dégénéré. Entre Madame Tristram et l'ami de son mari, jamais un mot, cependant, ne fut prononcé à ce sujet. Mais Newman découvrit sans peine le secret de son hôtesse. À 20 ans, Tristram avait été ce qu'on appelle un bon garçon. Sous ce rapport, il n'était pas changé. Mais ne devait-on pas attendre davantage d'un homme de son âge? on le disait sociable, mais qui ne l'est pas. N'est-il pas aussi naturel pour un homme d'être sociable que pour une éponge de se gonfler quand on la plonge dans l'eau? De plus, sa sociabilité n'était pas d'un ordre supérieur. Bavard et médisant, pour faire un bon mot, il n'eût pas épargné la réputation de sa vieille mère, et si Newman lui conservait un reste d'amitié, en souvenir des anciens jours, il avait trop de bon sens pour ne pas s'apercevoir du peu qu'il valait aujourd'hui. Sa seule ambition était de gagner au jeu, à son club, de savoir le nom de toutes les cocottes, de serrer la main à tout le monde et de s'emplir le ventre de truffes et de champagne. D'une paresse révoltante, sensuelle, sans énergie, il agaçait son ami par le ton de ses allusions à leur patrie commune. Newman ne parvenait pas à s'expliquer pourquoi les États-Unis n'étaient pas assez bons pour M. Tristram. Lui-même ne s'était jamais piqué d'un patriotisme ardent, mais la moutarde finit cependant par lui monter au nez, et il s'écria un jour que les Américains étaient le premier peuple du monde, qu'ils pourraient mettre l'Europe entière dans leur poche, si l'envie leur en prenait, et qu'un Yankee qui parlait mal de son pays méritait d'y être reconduit par la gendarmerie et forcé de vivre à Boston. Ceci était une preuve de la réelle colère de Newman. Tristram prit en bonne part cette rebuffade, ne garda pas rancune à son ami et continua d'insister de plus belle pour qu'il vînt finir ses soirées avec lui au club occidental, ne manquant jamais de renouveler sa proposition chaque fois que Newman dînait avenue d'Iéna. Madame Tristram protestait. « Vous faites exprès de me déplaire, » s'écria-t-elle un soir, impatiente. « Oh non, mon amour, je ne fais pas exprès, » répondit Tristram. « Je sais que vous me méprisez suffisamment quand cela m'arrive par hasard. » « Quant à moi, » dit Newman, que peinaient ces scènes conjugales, et désireux d'y mettre le holà, « je vous avoue, cher ami, que je préfère 100 fois passer ma soirée sur ce délicieux balcon tout embaumé de fleurs, et d'où j'aperçois ces admirables avenues et cet imposant arc de triomphe, que d'aller me planter aussitôt après dîner à une table de jeu. Mais je vous promets de vous rejoindre au club un peu plus tard. » Ce soir-là, après le départ de Tristram, la conversation prit tout à coup un tour inattendu. « Avez-vous jamais aimé sérieusement, passionnément ?» demanda à brûle-pourpoint Madame Tristram. Newman hésita un moment et répondit enfin « Non. » « Ah, je suis enchanté de l'apprendre. Cela me confirme dans mes premières idées. Vous n'avez pas de sentiments. » « Réellement, le croyez-vous ? » demanda-t-il gravement. « À quoi reconnaît-on un homme de sentiments ?»« Je ne puis découvrir, » continua Madame Tristram, « si vous êtes très naïf ou très profond. »« Je suis très profond, c'est un fait. Je pense que si je disais avec un certain air que vous manquez de sentiments, vous me croiriez les yeux fermés. » Un certain air, dit Newman, essayez un peu. Vous me croyez, mais cela vous importerait peu. Bien au contraire, cela m'importerait beaucoup, mais je ne vous croirai pas. Le fait est que je n'ai jamais eu beaucoup le temps de sentir les choses. Il m'a fallu les faire et me faire sentir aux autres. J'ai idée que vous vous acquittiez à merveille de cette tâche-là, de la dernière surtout. Oh, bien certainement. « Quand vous êtes en fureur, ça ne doit pas être drôle. »« Je ne suis jamais en fureur. »« Mais fâché, contrarié. »« Je ne suis jamais fâché. »« Il y a si longtemps que je n'étais contrarié que je l'ai tout à fait oublié. »« Je ne puis croire, » dit Madame Tristram, « que vous ne vous fâchiez jamais. »« Un homme doit se mettre quelquefois en colère, quand le diable y serait. »« Et vous n'êtes ni assez bon ni assez mauvais pour ne pas perdre patience de temps en temps. » Oh, une fois tous les 5 ans. Le temps approche alors. Avant 6 mois, je veux vous voir en rage. Avez-vous donc l'intention de m'y mettre? Je n'en serais pas fâché. Vous prenez les choses par trop froidement, cela m'exaspère. Et puis vous êtes trop heureux, ma foi. Vous possédez ce que doit être la chose la plus agréable en ce monde, la certitude d'avoir payé votre plaisir par avance. Vous n'avez pas toujours devant vous la perspective d'un jour où il vous faudra régler vos comptes. Tout cela est de l'histoire ancienne pour vous. « Oui, je suis heureux, je crois, » dit Newman d'un air rêveur. « Vous avez toujours réussi d'une façon scandaleuse. »« Pouah, j'ai réussi dans le cuivre, admis seulement dans les chemins de fer, mais pas du tout dans les huiles. » « Je ne sais rien d'agaçant comme d'entendre les Américains raconter comment ils ont fait fortune. » »« Maintenant, le monde vous appartient. Vous n'avez plus qu'à en jouir. Soit. Je crois, en effet, que j'ai un sort digne d'envie. Seulement, c'est insupportable qu'on me le jette à tout moment à la tête. Et puis, il y a un revers à la médaille. Je n'ai pas d'esprit. Oh, on n'attend pas cela de vous, répondit Madame Tristram. Mais se reprenant aussitôt, elle ajouta, « D'ailleurs, vous en avez. » Après tout, continua Newman, que j'en ai ou non, je prétends me donner du bon temps. Je n'ai pas d'instruction, pas même d'éducation. Je ne sais rien en fait d'histoire, d'art, de langues étrangères. Je suis ignorant comme une carpe. Et cependant, je ne suis pas un imbécile. Et je veux connaître l'Europe à fond pendant que j'y suis. Je sens ici, sous mes côtes, ajouta-t-il après un instant de silence, une étrange sensation que je ne saurais expliquer, une sorte d'ardent désir d'étendre le bras et saisir quelque chose. « Bravo, magnifique !» s'écria Madame Tristram. « Vous êtes le grand barbare de l'Occident s'avançant dans sa force et son innocence, regardant ce pauvre vieux monde usé et s'abattant tout à coup sur lui comme un aigle. Ah, par exemple, non, je ne suis pas un barbare, loin de là. J'ai vu des barbares, je sais ce que c'est. » Je ne prétends pas dire que vous soyez un chef comanche ou que vous portiez des plumes d'oiseaux sur la tête et des anneaux dans le nez. Il y a différentes espèces de sauvages. Je suis au contraire un homme très civilisé, je n'en démordrai pas. Si vous en doutiez, j'aimerais vous le prouver. » Madame Tristram sembla hésiter un moment. « Et moi j'aimerais, fit-elle, à vous mettre en passe de me le prouver. Je voudrais vous voir dans une situation difficile. Eh bien, allez. Ah !» « Voilà une phrase bien présomptueuse. »« Oh !» dit Newman avec assurance, « j'ai très bonne opinion de moi. »« Je ne serais vraiment pas fâché de vous mettre à l'épreuve. Accordez-moi seulement le temps d'y penser et vous serez satisfait. » Madame Tristram resta pensive, comme si elle eût cherché le moyen de tenir sa promesse. Mais rien ne lui vint à l'esprit ce soir-là, probablement. Car lorsque Newman se leva pour prendre congé, elle passa, sans transition, comme cela lui arrivait souvent, de ce ton de persiflage impitoyable à celui d'une sympathie presque exaltée. « Sérieusement, dit-elle, j'ai foi en vous, monsieur Newman. Vous flattez mon patriotisme. »« Votre patriotisme ? » ?»« Mais oui, ce serait trop long à vous expliquer. Et du reste, il est probable que vous ne comprendriez pas. De plus, vous pourriez croire à une déclaration de ma part. » Ce qui est bien loin de ma pensée, non. Il ne s'agit pas de vous personnellement, mais plutôt de ce que vous représentez. Vous ignorez tout cela, fort heureusement, car votre vanité en deviendrait insupportable. Newman la regardait étonné, se demandant ce que diable il pouvait bien représenter. Pardonnez-moi tout ce bavardage, continua Madame Tristram, et oubliez des avis que vous ne me demandiez pas et dont vous n'avez que faire. C'est absurde à moi de chercher à vous donner des conseils. Quand vous serez embarrassé, faites ce que vous croirez le plus convenable et tout ira bien. Dans les cas difficiles, jugez par vous-même et ne vous en rapportez qu'à votre bon sens. Je tâcherai de me rappeler toutes vos recommandations. Il y a dans ce diable de pays tant de formalités et de cérémonies. C'est justement des cérémonies et des formalités que j'entendais parler. Ah, mais je tiens à les observer. N'ai-je pas ce droit tout comme un autre ? Elle ne m'effraie pas, et vous n'avez pas besoin de me permettre de les violer. Je n'userai pas de la permission. Ce n'est pas là ce que je voulais dire. Je vous conseille simplement de les observer à votre manière. Décidez seul les questions délicates. Coupez ou déliez les nœuds gordiens à votre choix. Oh ! Vous pouvez être certaine qu'aucun nœud ne m'arrêtera longtemps, dit Newman. Il revint dîner le dimanche suivant. Le dimanche, Tristram ne touchait jamais une carte et faisait à sa femme l'honneur de lui tenir compagnie. Ce soir-là, après avoir causé de choses et d'autres, tout en prenant le café sur le balcon, Madame Tristram fit observer tout à coup à Newman qu'il était grand temps pour lui de songer à se marier. « Écoutez-la, quelle audace !» s'écria Tristram de fort méchante humeur, selon son habitude, quand il restait à la maison. « Vous n'êtes pas décidé, je suppose, à ne jamais prendre femme, » continua Madame Tristram. « Grand Dieu, non. Je suis au contraire résolu à me marier. »« C'est facile, » dit Tristram, « terriblement facile. »« Eh bien alors, à moins que vous n'ayez l'intention d'attendre d'avoir 50 ans révolus. Du tout, je suis très pressé. On ne s'en douterait guère. Pensez-vous qu'une dame fera les premiers pas et viendra vous demander votre main ? Non. Je suis tout disposé à me proposer, j'y pense beaucoup. Dites-moi un peu vos idées. Voyons, dit lentement Newman, d'abord, je veux faire un bon mariage. Alors épouser une femme de 60 ans, dit Tristram, car sa femme lui coupa la parole. Bon, dans quel sens ? Dans tous les sens, je serai difficile à contenter. Rappelez-vous le proverbe français. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Puisque vous le demandez, continua Newman, je vous avouerai que j'ai le plus grand désir de me marier. Il est temps, pour commencer. Je vais avoir la quarantaine, vous le savez. Et puis je suis seul. La solitude me pèse, la tristesse me gagne. Mais si je me marie, du moment que je ne l'ai pas fait sans réflexion, dans l'ardeur de mes 20 ans, je ne me déciderai maintenant qu'à bon escient. Je veux que ça soit dans le grand style. Non seulement je ne veux pas me tromper, mais je veux faire un beau mariage. Il me faudra une femme magnifique. Voilà ce qui s'appelle parler, s'écria Madame Tristram. Oh, j'ai beaucoup pensé à tout cela. Vous pensez trop, peut-être. Il vaudrait mieux devenir amoureux. Quand j'aurai trouvé une femme qui me plaira, je l'aimerai suffisamment. Ma femme ne sera pas à plaindre. Vous êtes admirable. Savez-vous que c'est là une véritable chance pour les belles femmes ? Ce n'est pas bien, dit Newman. Vous poussez les gens à parler, ensuite vous vous moquez d'eux. Je vous assure que je suis très sérieuse. Pour vous le prouver, je vais vous faire une proposition. Me sauriez-vous gré si je vous mariais ? Si vous me cherchez une femme ? Elle est toute trouvée. Je vous ménagerai une entrevue avec elle. Oh, un instant, dit Tristram. Nous ne tenons pas une agence matrimoniale. Newman va croire que vous voulez une commission. Présentez-moi une femme qui réponde à mon idéal, reprit Newman. Je l'épouse demain. De quelle singulière façon vous envisagez la chose? Je ne vous comprends vraiment pas. Je ne vous aurais pas cru si inflammable. Comprenez-moi bien, je veux une femme remarquable, j'y tiens. C'est un luxe que je peux me donner. Et je prétends ne pas m'en priver. Pourquoi aurais-je travaillé, lutté depuis tant d'années ? J'ai réussi, mais que faire maintenant de mon succès ? À mon avis, il ne manque à mon œuvre pour couronnement qu'une admirable femme sur un piédestal, comme une statue sur un monument. Elle devra être aussi bonne que belle, aussi instruite que bonne. Elle aura tout ce qu'une femme peut désirer. Je ne me plaindrai pas qu'elle me soit supérieure. Et si son intelligence et sa raison sont au-dessus de ce que je puis comprendre, eh bien, j'en serai ravi. En un mot, je vais posséder l'article le plus parfait qui soit sur le marché. Vous êtes vraiment très intéressant. J'aime qu'un homme sache ce qu'il veut. Oh, il y a longtemps que je sais ce que je veux. Je me rappelle qu'étant tout jeune, j'avais déjà décidé qu'une belle femme est ce qu'on peut désirer de plus précieux ici-bas. Quand je dis belle, je parle des manières, de l'esprit, aussi bien que du physique. Chaque homme y a le même droit et doit se la donner s'il le peut. Il n'est pas nécessaire d'être né avec des facultés spéciales. Il suffit d'être homme et de vouloir sérieusement, énergiquement. Le succès est aux opiniâtres. Votre mariage ne serait-il pas, en ce cas, une affaire d'amour-propre ? Mais oui. Il est certain du moins que si on remarque ma femme et si on l'admire, j'en serais on ne peut plus flatté. Après cela, s'écria Madame Tristram, qu'on vienne me parler de modestie. Mais personne ne l'admirera plus que moi. Vous avez, je le vois, le goût de la splendeur. En vérité, je le crois, répondit Newman après une légère hésitation. Et je suppose que vous avez déjà commencé vos recherches? Mais un peu, pas mal même, toutes les fois que j'ai eu l'occasion. Et vous n'avez encore rien trouvé qui vous convainc? Non, dit Newman comme malgré lui. Je suis forcé d'avouer que je n'ai rien rencontré qui me satisfie complètement. Vous me rappelez les héros des poètes romantiques français, Rolla et Fortunio, et tous ces hommes insatiables pour qui rien n'était assez parfait. Mais je vois que vous parlez sérieusement, et j'aimerais à vous aider. Que diable vas-tu lui proposer, mon amour ? Demanda Tristram. Dieu merci, les jolies filles ne manquent pas parmi nos connaissances, mais une femme magnifique. Voilà qui est plus difficile à trouver. Auriez-vous des objections contre une étrangère ? Continua Madame Tristram en s'adressant à Newman, qui, le dos renversé contre le dossier de sa chaise, les pieds sur la barre du balcon et les mains dans les poches, regardait les étoiles. Inutile aux Irlandaises de se présenter, marmotta Tristram. Newman réfléchit quelques instants. Va pour une étrangère, je n'ai pas de préjugés. Mon cher, méfiez-vous, s'écria Tristram. Les femmes étrangères sont souvent terribles, les belles femmes surtout. Que diriez-vous d'une magnifique circassienne avec un poignard à la ceinture ? Pouah, j'épouserais une japonaise si elle me plaisait. Nous ferions mieux de ne pas sortir de l'Europe, observa Madame Tristram. Le point essentiel alors est que la personne elle-même soit à votre goût. Elle va vous offrir une institutrice méconnue, grogna Tristram. Assurément, je ne nie pas que, toute chose étant égale, je ne préférasse une compatriote. Nous parlerions la même langue, ce qui est un avantage, mais je n'ai pas peur d'une étrangère. En outre, j'aime assez l'idée de chercher aussi en Europe. Le champ est plus vaste et, naturellement, dans un grand nombre de concurrentes, on a toute chance de faire un bon choix. Ne croirait-on pas entendre parler Sardanapale ? Vous ne pouviez mieux vous adresser qu'à moi, dit Madame Tristram, sans relever l'exclamation de son mari. J'ai justement parmi mes amies la plus charmante des femmes, ni plus ni moins. Remarquez que je ne dis pas aimable ou estimable, ou remarquablement belle, mais simplement la plus charmante. Damnation ! Exclama Tristram. Vous ne m'avez jamais parlé d'elle ? Aviez-vous peur ? Vous l'avez vue, mais les mérites de Claire sont sans attrait pour vous. Ce n'est pas votre genre. Elle s'appelle Claire ? Je donne ma langue au chien. Votre ami désire se marier ? Demanda Newman. Pas le moins du monde. C'est à vous de la faire changer d'avis. Ça ne sera pas chose facile, je vous en préviens. Son premier mari ne lui ayant pas donné une idée favorable des hommes en général. Ah, c'est une veuve. Avez-vous déjà peur ? À 18 ans, ses parents l'ont mariée, comme c'est souvent le cas en France, à un désagréable vieillard, qui eut du reste le bon goût de mourir 2 ans après. Elle a aujourd'hui 20 ans. Ainsi, c'est une Française. Française par son père, anglaise par sa mère. Mais elle est plus anglaise que française et parle notre langue comme vous et moi, ou plutôt beaucoup mieux. Elle appartient au-dessus du panier. Sa famille, des deux côtés, est d'une antiquité fabuleuse. Sa mère est fille d'un comte anglais catholique. Son père est mort et depuis son veuvage, elle vit avec sa mère et un frère marié. Il y a un autre frère, plus jeune, un peu fou, je crois, un viveur. Ils habitent un vieil hôtel, rue de l'Université, mais ont peu de fortune et vivent en commun, par économie. Quand j'étais tout enfant, mon père, qui faisait alors son tour d'Europe, me mit dans un couvent à Paris. Je ne profitais guère de l'instruction qu'on prétendait m'y donner, mais j'en retirai un grand avantage. J'y fis la connaissance de Claire de Bellegarde. Quoiqu'elle fût plus jeune que moi, nous ne nous en liâmes pas moins d'une étroite amitié. Je l'adorais. Et elle faisait de son mieux pour me prouver qu'elle me rendait l'appareil. Mais on la tenait si serrée dans sa famille qu'elle ne pouvait pas grand-chose, et quand je quittais le couvent, elle dut renoncer à me voir. Je n'étais pas de son monde, vous comprenez. Je n'en suis pas davantage aujourd'hui. Nous nous voyons, quelquefois, cependant. C'est un terrible monde que le sien. Ils sont tous montés sur des échasses 1000 de haut, et leurs généalogies sont longues en proportion. C'est la crème de la vieille noblesse. Savez-vous, c'est ce qu'un légitimiste ou un ultramontain ? Allez chez Madame de Saint-Tré, vers 5 heures, et vous en verrez des spécimens authentiques. Ce qu'il y a de plus complet en ce genre. Je vous dis allez, quoique personne ne soit admis dans ce sanctuaire, à moins de pouvoir faire preuve de 50 quartiers de noblesse. Et c'est cette dame que vous me proposez d'épouser ? Une femme qui ne daignerait seulement pas me recevoir ? Ne me disiez-vous pas, il n'y a qu'un instant, que vous ne connaissiez pas d'obstacle. Newman regarda Madame Tristram en se tortillant la moustache. « Est-ce une beauté ? » demanda-t-il. « Non. »« Oh, alors il est inutile. »« Ce n'est pas une beauté, mais elle est belle. »« Ce qui n'est pas la même chose. » »« Une beauté a des traits réguliers, tandis que le visage d'une femme belle peut avoir des irrégularités, qui en augmentent encore le charme. » »« Je me rappelle, Madame de Saint-Tré, maintenant, » dit Tristram. « Une vraie perche. » Un homme ne la regarderait pas 2 fois. En disant qu'il ne la regarderait pas 2 fois, mon mari l'a parfaitement dépeinte. Est-elle bonne, intelligente ? Demanda Newman. Elle est parfaite. Je n'en dirai pas davantage. Quand on fait l'éloge d'une personne à quelqu'un qui doit plus tard en juger par lui-même, c'est une mauvaise tactique que de donner trop de détails. Je n'exagère pas. Je vous recommande mon héroïne, pas autre chose. De toutes les femmes que j'ai connues, elle est seule de son espèce. Elle est, je crois, d'une nature particulière. Je serais heureux de la voir, dit Newman. J'essaierai d'arranger cela. Le plus simple serait de l'inviter à dîner. Je ne l'ai jamais engagée encore et je doute qu'elle accepte. Sa vieille comtesse féodale de mère gouverne toute la famille avec une main de fer et ne permet à sa fille que certains amis qu'elle choisit elle-même. Mais je peux toujours essayer. Madame, il y a des visites au salon, dit un domestique sur le seuil du balcon. Des visites? Vous permettez, monsieur Newman? Les deux hommes restèrent seuls. Ne vous fourrez pas dans ce guépier, mon garçon, dit Tom Tristram en s'approchant de son ami. Rien de bon pour vous là-dedans. Vous savez une autre version de l'histoire? Demanda Newman avec un regard de travers. Simplement que Madame de Saint-Tré est une grande poupée de cire blanche, dédaigneuse. Dédaigneuse? Elle vous regarde comme si vous étiez une bouffée d'air et se soucie de vous à peu près autant. Elle est orgueilleuse, hein? Aussi orgueilleuse que je suis humble. Et pas jolie. Tristram haussa les épaules. Il faut être intellectuel, paraît-il, pour comprendre ce genre de beauté-là. Mais la société me réclame au salon. Je rentre. Newman ne le suivit pas immédiatement et quand il rentra dans l'appartement, il n'y resta que peu de temps. Pendant ces quelques minutes, il s'assit, écoutant en silence une jeune femme à qui Madame Tristram l'avait aussitôt présentée et qui parlait sans reprendre haleine et d'une voix haute et vibrante. Newman la regardait curieusement. Quand il se leva enfin pour prendre congé de son hôtesse, « Qui est cette dame ? » demanda-t-il. « Miss Dora Finch. Comment la trouvez-vous ? » « Trop bruyante. » « Elle passe pour si charmante et si spirituelle. Vous êtes vraiment trop difficile. » Il parut hésiter un moment. « À propos, n'oubliez pas, pour votre amie, madame, comment l'appelez-vous ? L'orgueilleuse beauté. Engagez-la à dîner et faites-le-moi savoir. » Quelques jours après, il revint à avenue d'Iéna. C'était dans l'après-midi. Il trouva Madame Tristram avec une jeune et jolie femme en robe blanche. Les deux dames étaient debout et la visiteuse semblait sur le point de sortir. Madame Tristram jeta à Newman un rapide coup d'œil dont il ne comprit pas tout de suite la signification. « Permettez-moi de vous présenter un de nos bons amis, Monsieur Christopher Newman, » dit-elle en se tournant vers la dame. « Je lui ai parlé de vous et il a le plus grand désir de faire votre connaissance. Si vous aviez consenti à venir dîner avec nous, je lui en aurais fourni l'occasion. » L'étrangère leva les yeux sur Newman avec un sourire. Notre ami, dont le sang-froid inconscient était sans bornes, n'éprouva pas le moindre embarras. Mais l'idée que c'était là la belle et fière Madame de Saint-Tré, la plus charmante femme du monde, la perfection promise, l'idéal annoncé, lui causa comme un éblouissement à travers lequel il ne distingua rien qu'un gracieux visage, un peu allongé, avec des yeux doux et brillants. J'en aurais été très heureuse, dit Madame de Saint-Tré. Malheureusement, ainsi que je le disais tout à l'heure à Madame Tristram, je pars lundi pour la campagne. Newman s'inclina. C'est pour moi un grand regret. Paris devient trop chaud, ajouta Madame de Saint-Tré, en tendant à nouveau la main à son ami avant de sortir. Madame Tristram parut prendre une résolution soudaine et légèrement audacieuse. Elle accentua son sourire comme font toujours les femmes en semblable occurrence. « Je voudrais que M. Newman eût l'occasion de vous connaître davantage, » dit-elle en penchant la tête et en regardant les rubans du chapeau de Madame de Saint-Tré. Newman, grave et silencieux, devinait, avec sa pénétration habituelle, ce qui se passait dans l'esprit de Madame Tristram. Elle voulait évidemment forcer son amie à lui adresser, ne fût-ce qu'un mot d'encouragement, quelque chose de plus qu'une simple formule de politesse. Si la charité la faisait agir, c'était cette charité qui commence par soi-même. Madame Tristram aimait, admirait sa chère Claire, mais sa chère Claire avait refusé son invitation à dîner, et il ne fallait pas qu'elle s'en allât sans lui avoir accordé quelque chose. « Ce serait un véritable plaisir pour moi, » répondit la comtesse avec un gracieux sourire. « De la part de Madame de Saint-Tré, » s'écria Madame de Tristram, « c'est beaucoup qu'une pareille parole. »« Je vous remercie, » dit Newman. Madame Tristram plaide ma cause bien mieux que je n'en serais capable moi-même. » Madame de Saint-Tré le regarde à nouveau, de ce même regard brillant et doux. « Devez-vous rester longtemps à Paris ?» demanda-t-elle. « Nous le retiendrons. »« En attendant, c'est moi que vous retenez. Adieu. » « Un moment encore. » Madame de Saint-Tré, déjà sur le seuil de la porte, se retourna vers Newman sans sourire cette fois. « Vous viendrez me voir, » dit-elle après un moment d'hésitation. Madame Tristram l'embrassa. Newman se confondit en remerciements et elle partit, accompagnée jusque dans l'antichambre par son ami qui revint en se frottant les mains. « C'est une véritable chance, » s'écria-t-elle. « Elle était venue pour s'excuser de ne pas accepter mon invitation. Et voilà qu'au bout de 3 minutes, elle vous prie de l'aller voir chez elle. Vous triomphez sur toute la ligne. « C'est à vous qu'en revient le mérite, » dit Newman. « Mais vous êtes si sévère pour elle. « Comment ?» fit Madame Tristram surprise. « Elle ne m'a paru ni guindée ni fière, je la crois plutôt timide. Bien jugée. Et que dites-vous de sa figure ? Elle est belle. » « Je le crois bien. Naturellement, vous irez lui rendre visite, demain. » « Non, pas si tôt. Après-demain, dimanche. Elle ne part que lundi. Si vous ne la trouvez pas, ce sera toujours un commencement. » Le surlendemain, dans l'après-midi, Newman sonnait rue de l'université à une grande porte cochère sombre, poussiéreuse, qui s'ouvrit toute seule en réponse à son coup de sonnette. Il entra dans une vaste cour sablée, entourée sur 3 côtés de bâtiments dont toutes les fenêtres étaient fermées. Au milieu de la façade principale, un perron de 3 marches menait à une porte vitrée, à 2 vantaux, surmontée d'une marquise couverte en zinc. Pas un rayon de soleil dans cette cour, c'était lugubre. Newman crut entrer dans un couvent. La concierge ne sut pas lui dire si Madame de Saint-Tré était visible et le pria de s'adresser dans le vestibule au valet de chambre. Newman traversa la cour. Un jeune homme, nu-tête, assis sur les marges du perron, jouait avec un admirable chien d'arrêt. Il se leva à l'approche d'un étranger et, en le voyant mettre la main sur le bouton de la sonnette, lui dit en anglais « Je crains, monsieur, qu'on nous fasse attendre. J'ai sonné moi-même plusieurs fois déjà sans obtenir de réponse. Les domestiques sont sans doute absents ou occupés dans une autre partie de la maison. » Ce jeune homme avait une figure sympathique, un sourire franc et cordial. Il parlait très purement l'anglais. Newman prononça le nom de Madame de Saint-Tré. « Je pense que ma sœur est chez elle, » reprit le jeune homme. « Si vous voulez bien me remettre votre carte, je la lui porterai moi-même. » Newman tira tranquillement de sa poche une carte sur laquelle, au-dessous de son nom, il avait écrit « San Francisco » et l'attendit à son interlocuteur. À ce moment, un nouveau personnage parut dans le vestibule. Un homme plus âgé, de tournure distinguée, l'air imposant, en toilette de soirée. « Madame de Saint-Tré, » dit le jeune homme, comme s'il présentait le visiteur. L'autre prit la carte, y jeta un rapide coup d'œil, toisa Newman des pieds à la tête, hésita une seconde, puis gravement, d'un ton quelque peu hautain, quoique poli, « Madame de Saint-Tré est sortie. » Le jeune homme fit un geste d'étonnement et se tournant vers Newman, « Je suis vraiment désolé, monsieur. » Newman le salua d'un mouvement de tête amical pour lui montrer qu'il ne lui gardait pas rancune et descendit le perron. Devant la loge du concierge, il s'arrêta. Les 2 hommes étaient encore sur les marches du vestibule. « Qui est le jeune homme qui joue avec le chien ?» demanda-t-il à la portière sur le seuil de sa loge. Il commençait à savoir un peu de français. « C'est monsieur le comte. Et l'autre, c'est monsieur le marquis. »« Un marquis ?» dit tout haut Christopher Newman. En anglais, fort heureusement, car la vieille femme ne comprit pas. « Oh, je l'avais pris pour le valet de chambre.